et surtout c'est le best-of de Koé Rico, Mickaël et Manu dans le 6-9 sur Énergie. Je suis en joie de partager ça avec vous. Causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura. Vous écoutez Énergie, je sais, il est très tôt, mais grosse pensée pour ceux qui sont déjà debout depuis un moment. Et bah vous savez quoi, on va écouter un extrait de Mickaël sur Énergie tous les soirs à partir de 23h. Nous allons nous faire les appels bienveillants maintenant, avec une information incroyable qui vient de tomber, Amina. Attention, du lourd, du très très lourd. En 30 ans, le nombre d'adultères homosexuels a doublé dans les couples hétéros. Ah bah ça m'étonne pas. C'est incroyable. Aujourd'hui, plus de 8% des hommes avouent avoir trompé leur femme avec un homme. Oh là là. C'est énorme quand même. Ah oui, c'est énorme. C'est fou, hein. Bah ça me surprend pas. Moi j'ai mon pote là qui fait des shows drag queen, etc., qui se travestit un peu. Bon bref, il est gay. Oui, bah oui. Voilà, et il me montrait sur Grindr, donc c'est l'équivalent de Tinder, hein, voilà, une application pour gay, pour de rencontres, quoi, un peu salace d'ailleurs. Et il y a plein d'hétéros qui venaient lui parler. Parce qu'il avait une photo où voilà, on aurait pu croire que c'était une meuf quand il était en travesti. Et en fait, quand il lui disait direct non, je suis un mec, et le mec disait ok, bah finalement ça me dérange pas, quoi. Ça me plaît. Ah, moi je pourrais pas. Bah pour tester. C'est la même chose que quand tu vas en Thaïlande, t'as tous les Italiens et tout qui vont avec des travestis, des ladyboys. Et quand tu les mecs, en fait, ça les. Pour eux, c'est des meufs. Non, c'est des mecs. Non, mais moi, je pourrais pas non plus. Même si. C'est vrai que. Même si elle est bien faite. Non, mais c'est vrai que parfois, effectivement, t'en as qui sont super bien faites, tu pourrais jurer que c'est une meuf. Mais dès que je sais que c'est avec, moi, ça me refroidit direct. Mais toujours des imperfections, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai. Dit-il en regardant Amina. Merci, c'est gentil, hein. Ah putain, bon du coup Tof, tu vas appeler pour prévenir tes amis. Bah oui. Et évidemment, grâce au numéro tous les soirs que vous envoyez sur toph@energie.com, on y va, on appelle le premier de la soirée. C'est parti. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que votre mari, il a déjà eu envie de vous tromper avec un homme? Non. Ah, jamais. Et qui vous êtes? Tof, monsieur, madame. Hein? Enfin, je sais pas trop. Oui, allô? Oui. Oui, je m'appelle Tof. Tof, mon nom c'est Tof. Votre nom c'est Tof? Oui, c'est ça. Et vous faites partie de quoi, là? Ah, je fais partie de rien, monsieur, moi je vous appelle de chez moi. Comment vous avez eu mon numéro déjà? 118-218, toutou youtou. Toutou youtou, j'y vais même pas. Toutou youtou dans ton cul? Non, c'est moi qui vais sur... C'est PD. Non, PD ça se dit pas, monsieur, c'est homophobe. C'est pas bien de dire ça. Et puis, vous me laissez tranquille? Bah oui, moi je veux bien vous laisser tranquille. Je voulais juste savoir si vous aviez déjà eu envie de tromper votre femme avec un homme. Ah oui, mais elle s'en fout alors, visiblement. Alors, bon, on va rappeler, on va rappeler, hop. Parce qu'elle en a rien à foutre. Elle est occupée par bien autre chose. Allô? Oui, je m'excuse, on a été coupé. Ouais, bah c'est moi qui vous ai raccroché au nez. Bah ça se fait pas, en fait, c'est pas très poli de faire ça. Ah bah, vous m'excuserez, mon mari est pas pédé. Ah oui, donc vous êtes bien une femme, moi, d'accord. Je n'ai rien à foutre de votre gueule. Bah, non mais d'accord, mais enfin c'est pas une question. PD ça se dit pas, d'abord c'est homophobe. Et moi c'est juste pour savoir, c'est pas la peine de s'énerver, d'être désagréable. Vous avez pas rien à savoir de ma vie de couple? Bah si, c'est pour ça que je vous appelle. Ouais bah va te faire foutre. Oh non, non madame, pas de ça entre nous, enfin ça se dit pas des choses comme ça. Bah je te connais toi, non? Bon bah alors. Bah enfin, madame, calmez-vous, c'est pas parce qu'on se connaît pas qu'on peut pas parler cordialement. Vous m'excuserez, j'ai déjà été harcelé au téléphone. Ah bah alors, oui. Ça suffit, là. Bah d'accord, mais c'est pas du harcèlement là, c'est juste moi je vous appelle, je vous pose une question, vous y répondez, et après on souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous. Bah moi je vous ai dit que mon homme il était pas pédé. Oui oui je sais, moi je vous ai dit que pédé c'était homophobe, ça se dit pas madame. J'ai eu 4 enfants avec. Bah oui mais c'est parce que en fait. Oui d'accord, mais c'est parce que en fait ça c'est le nombre d'hommes qui trompent avec un homme, ça a doublé depuis 30 ans. Non mon mari à son âge ça m'étonnerait qu'il aille voir ailleurs. Il a changé de bord. Ah oui, d'accord, ça vous étonnerait qu'il aille fourrer une rondelle? Bah oui. Bah voilà. Et bah voilà. La seule rondelle qui peut sauter, c'est la mienne. Ah bah très bien. Et bah écoutez, vous me voyez ravi, madame. Merci, au revoir. Bah moi aussi, au revoir. Hein, poutou poutou. Ah oui, bah trop tard pour le poutou poutou. Quelqu'un qui demandait si c'était pas Virgile Sacneuf. Non, quand même, voyons. Non, mais ça aurait pu être sa mère. Ça, oui, ça aurait pu être quelqu'un de la famille. C'est un fait. Bon, on en fait l'autre dans moins d'une heure? Ah bah évidemment. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, bon bah vous connaissez le principe, hein. Envoyez ça, c'est anonyme, sur le mail de Tof, toph@energie.com. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Direction la playa, on danse limbo bien fire. En cadence et hop, le soleil brille de mille feux. Mais avec eux, on n'a pas le temps de se laisser bronzer. Appelle-moi l'homme qui vit une vie bien locale, qui donne le smile en période estivale. Je veux un panorama sur la mer et son sable. Une belle sirène, regard oriental. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patatata. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patatata. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Dans mon gamos, j'esquive les boss. Cool attitude, man, j'pense que j'suis le boss. Une princesse des îles quand le prince opère. Une petite idylle, les deux vues on se perd. Appelle-moi l'homme qui vit une vie bien locale, qui donne le smile en période estivale. J'veux un panorama sur la mer et son sable. Une belle sirène, regard oriental. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patatata. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. prendre du bon time, kiffer les bons bails. Viens avec ma clique, mais si vous voulez. Nous qui voyager, nous qui voyager. Suive-moi, suive-moi. Le Rico Show sur Énergie, c'est chaque soir 20h-23h. Et si vous vous demandez comment est l'émission, elle est comme ça, hyper fraîche, bien stylée. C'est le Rico Show sur Énergie. C'est quoi le bail du jour, mon Rico? C'est dingue. Dingue. Tout le monde en parle. C'est le bail du jour sur Énergie. Ouais. Tout le monde en parle. Des chercheurs ont découvert un vaccin contre la calvitie. Ça y est, les amis, on est contents. Fini l'échauffe, fini les cheveux qui tombent. On est tranquille. Voilà, si vous êtes jeune ou moins jeune, que vous commencez à être dégarni, arrêtez-vous, calmez-vous. Le vaccin est sorti. Fini les shampoings relous. Fini les régimes à l'herbe de Savoie ou ce que tu veux, c'est terminé. On est bien, mon Sylvain. Non, ouais, ce qui est bien, on va pouvoir pêcher jusqu'à 80 ans, quoi. Ah oui, non, mais attention, ouais, il y a de très beaux chauves. Je peux te dire que moi, je me suis fait rafler des gonzesses par des chauves plus d'une fois. Ah ouais. Je peux te dire, toi notamment, hein, ce week-end à Cluse, je peux te dire que c'est un chauve qui te l'a piqué. Hein, non, c'est non. Celle que t'as pas réussi à ramener en boîte de nuit. Non, mais ça va aussi quand on est chauve, c'est un style. Ah non, mais c'est beau gosse. Pour moi, ils sont beaux gosses, les chauves. Toi, tu parles de cheveux, mais regarde, c'est pour avoir tes vœux. À ton âge, c'est cata. La meuf, ils sont très beaux, mes vœux. C'est vrai qu'à la fin, c'est paille. C'est un peu paille. C'est un peu pailleux. Par contre, il y a une technique sans dépenser de sous. Là, on parle de vaccin, ça va coûter quoi? Une blinde, on est d'accord? Non, mais je pense que, attends, vu le nombre de chauves qu'il y a, l'économie d'échelle, elle va être faite. Hein. Ouais. Ils vont sortir 150 millions de vaccins, ils vont tous trouver preneur. Et puis, il y a de vaccins, moi, c'est cher, moi, ça. Ouais, mais bon, tu peux te mettre un peu d'ail, c'est une recette du bled, je te jure que ça marche. Et les cheveux repoussent, et la barbe aussi, t'as un petit trou sur la barbe, je te jure, ça repousse. C'est vrai? Mais je te jure. Essaye l'ail. Mais sur ma vie, mon mec, ça a marché. Parce que je l'ai angoissé, il a perdu une petite touffe là, à la barbe. Ouais. Et en fait, ça a repoussé. Mais après, plus personne peut te piffrer. Là, c'est le cas de le dire. Plus personne peut te sentir. Après, c'est mort. Tout est mort. Mais c'est déjà le cas avec toi. Donc ça va. 0870 42 48, les amis. On se demande quel vaccin pourrait nous simplifier la vie. Et sachez que Mathieu de Roibon, il a justement l'anecdote. Comment il va, mon Mathieu? Ah, ça va super. Salut Rico. Salut l'équipe. Salut Mathieu. Alors, le vaccin? Alors moi, en fait, déjà, je vous explique mon problème. C'est que depuis petit, je transpire, mais je transpire comme un dingue à chaque fois, que ce soit le bras, l'épaule, les jambes, l'arrêt du cul, partout. Le ver luisant, quoi. Ouais, un truc, mais c'est abusé. Et du coup, moi, le vaccin que j'aimerais créer, c'est vraiment un vaccin anti-transpiration. C'est vrai, ah ouais. Ça n'a rien presque. Ouais. Ouais, mais ce serait bonheur. T'arrêtes de transpirer, ça y est, t'es nickel, tu vas à la salle, t'es bien, j'aime. Dès que t'as la recette, tu pourras donner à Sylvain, s'il te plaît. Ah oui, mais Sylvain, il essaye tout, les lingettes, le talc, tout, mais il y arrivera jamais, mon Sylvain. Voilà, mais sauf que moi, j'ai pas l'odeur, hein, j'aime. Ah oui. Moi, je transpire pas, donc j'ai pas l'odeur. Alors, attention, on n'a pas dit que le vaccin ne permettait pas l'odeur. Mais il faudrait. Il faudrait. Ouais, vous préférez transpirer, avoir la trace ou sentir? Tiens, débat, Sarah. Alors, moi, sentir, parce que j'en ai souffert, et je vous raconterai tout à l'heure de la transpiration. Tu préfères sentir que voir l'auréole? Sentir, parce que moi, je suis une vraie transpirante depuis petite. Parce que par exemple Sylvain il a l'auréole mais il sent pas mauvais, ouais, c'est vrai. C'est mais t'as l'auréole grave béante. Mais moi je préfère avoir l'auréole que sentir. Ouais. C'est horrible sentir. C'est vrai. Ah tiens, hashtag Rico Show sur Énergie sur Twitter. Toi Mathieu, au choix, tu préfères avoir la transpi ou sentir? Ah franchement je préfère large qu'on le voye. Ah ouais, ouais, c'est vrai. On change de t-shirt, quitte à avoir plusieurs habits, ouais, carrément. Ouais, hey, la chemise grise en boîte de nuit, c'est l'erreur. Je vous le dis, celle-là. Il y a pas que jamais. Les auréoles, il y a aussi les mains moites. Moi, j'ai les mains moites depuis petite. Quand je serre la main ou quand un mec me donne la main, il est dégoûté de moi. Non, mais tu vois, c'est horrible. Ah, c'est pour ça, mais dis le pauvre. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai. Le truc, c'est que quand t'as une trace, on va dire, l'important, c'est de pas lever les bras. Ouais. Pas faire comme Sylvain. Ouais. Parce que Sylvain, il lève les bras à chaque fois, c'est pour ça qu'on les voit. C'est vrai que ce con, il sait qu'il a des auréoles et il lève toujours les bras en l'air. Et c'est pour ça qu'on les voit, parce que t'as des gars, ils ont des auréoles, mais ils ont le réflexe, tu sais, ils se mettent un élastique autour de la taille et puis il reste figé. Par contre, un vaccin que j'aimerais bien inventer, surtout en ce moment, les amis, c'est un truc pour éviter d'avoir chaud ou froid. Tu sais, le vaccin qui te régule. Tempéré. Voilà, tempéré. T'as jamais chaud, t'as jamais froid. Ouais. T'as beau mettre des pulls de ouf, t'as beau mettre des t-shirts, peu importe ce que tu mets, t'as jamais chaud, t'as jamais froid. Par exemple, ce matin, tu te lèves, il fait 8-9 degrés. Moi, je me suis levé à 8h, 8-9 degrés. Ouais. J'ai mis la doudoune et tout, je sors pour aller bouffer à 13h, putain, il fait 22 degrés. Ouais, derrière, tu sais pas comment t'habiller, tu transpires, t'es en mitouflé, t'es un bonhomme de neige, t'es pas beau gosse, tu pues, t'as la mèche qui part en vrille. Alors que si tu ressens ni le chaud ni le froid, t'es peinard. Mais à quoi ça sert les vêtements alors dans ces cas-là? Ça serait de la mode. Donc voilà, que de la mode. Donc fini les doudounes, tu vas pas t'entacher d'une doudoune ou de basket ou de autre, ouais, ou de chaussettes. Et alors tu te balades à moi, je kifferais faire du ski en maillot de bain. Grave. Mais c'est un truc d'ouf. Moi je pense que c'est une angoisse. Dites-moi ce que vous pensez, hashtag Rico Show sur Énergie. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. sur Énergie. Young ambition. Say we'll go slow, but we never do. Premonition. See me spending every night with you. Under the kitchen lights, you still look like dynamite, and I wanna end up on you. Don't need a place to go, just put on the radio. You know what I wanna do. We can just dance to this. Don't take much to start me. We can just dance to this. Push up on my body, yeah. And you know we already seen all of the parties. We can just dance to this. We can just dance to this. Dance to this. We can just dance to this. Dear beloved, bring those 501s a bit closer, bit closer. We can just dance to this. Don't take much to stop me. We can just dance to this. Push up on my body, yeah. You know we already seen all of the parties. We can just dance to this. We can just. Elle a qui à chaque problème s'en sort. Elle m'a tout assumé. Voici le meilleur de Koé sur Energy, 17h-20h. On l'écoute avec Maroon 5 aussi juste après. Pour le réveil, c'est juste parfait. 17h-20h, c'est Koé sur Energy. Champion du monde de l'actu, il y en a trois aujourd'hui. Le premier champion du monde et le premier de sa catégorie, puisque c'est le premier homme qui a reçu la première contravention, écoutez bien, pour outrage sexiste. Il a pris 300 euros d'amende et de la prison ferme, et du sursis évidemment. Il ne l'a pas volé, puisqu'écoutez bien, il était bourré dans un bus. Il a mis une main aux fesses à une jeune femme, je dis ce qui est écrit dans l'article de journal, l'a traité de pute, lui a dit qu'elle avait des gros seins. Ensuite, le chauffeur s'est interposé en disant « Monsieur, on ne parle pas comme ça à une femme ». Et le gars s'est battu avec le chauffeur du bus. Donc, je propose qu'on lui remette un prix. Voilà, on va faire ça. Monsieur, je vous desserre. Officiellement et au nom de toute l'équipe du Before sur Energy et de moi-même, le prix du gros con du jour. Ouais, félicitations. Félicitations, on n'a jamais vu un si beau gros con. Bravo. Bravo monsieur, et vous pourrez utiliser ce magnifique trophée en forme d'ananas comme suppositoire. C'est cadeau, ça nous fait plaisir. Autre champion du monde, c'est un mec qui a croisé trois policiers de la BAC en patrouille à pied dans le quartier Europe à Colmar. Il s'approche d'eux, les salue, leur serre la main. Vous allez me dire, tout va bien, c'est ouais, ça qui est génial. Ouais. Sauf qu'il leur propose du shit. Mauvaise pioche. Non. Direction le commissariat. Mais non. Salut, ça va la BAC, ça va. Tu veux du shit? Non. J'ai dit une connerie peut-être. Oui. Ah, la boulette. J'ai fait une boulette. Ah bah oui. Voilà. Et c'est magique. Hein. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il a pris Yann Moix comme avocat. Bon. Donc tout va bien. Le champion du monde, lui, le dernier, est un homme qui s'est introduit sur les pistes de l'aéroport de Lyon-Bron alors qu'un avion s'apprêtait à atterrir. Le gars a traversé la piste. Mais alors, pourquoi a-t-il traversé la piste à pied? Je vous laisse réfléchir 5 secondes. Pour aller de l'autre côté? Non. Eh oui. Je la valide, mais non. Pas seulement. Il avait un avion à prendre? Non. Non, pour... non, non, non, non, c'est pas idiot, mais non. Pour aller chercher quelqu'un? Non. C'est lui qui les faisait atterrir? Non, je trouvais. Non, je suis en retard, je suis en retard. Il y avait du travail de l'autre côté de la piste? Non, non, non, non. Non, vous n'avez pas d'idée? Non. On est à Lyon-Bron. Lyon, bah, géographiquement, bah, je vais vous aider. Le gars voulait aller en Suisse. Et vous savez pourquoi? Non. Pour échapper à la Seconde Guerre mondiale et aux nazis. Le gars a traversé la piste. Il y a des nazis! C'est la guerre! Mais c'est... Et ils l'ont chopé. Je vous cache pas qu'ils l'ont juste interné derrière. Ah ouais. Le gars voulait fuir les nazis. Ah. J'ai envie de dire, les gars, nom de Zeus, vous venez d'attraper Marty McFly! 17h-20h, c'est Koé sur Energy. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Maybe you're 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking

El Wafi. El Wafi. Ah, oui, non, Ben Zaid, c'était bien. Exactement. Ouais, bah écoute. Très bien. Et... El Wafouaf. Ça passe plus. Bon, et d'accord, Wifi. Ok. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu... En fait, tu veux juste passer une annonce pour qu'elle te contacte? Une annonce, parler avec vous aussi pour les conjugaisons, les... ce qui s'est passé, un peu comme ça. Là. Pour la conjugaison? Oui. Conjugaison de quoi? Conjuguer le verbe. Ah, pour conjuguer le verbe? Tu veux conjuguer... Bah, lequel? Choisis. Mais quel verbe? Le présent ou le passé? Oui, mais premier groupe ou deuxième groupe? Oui, non, mais d'accord, mais présent ou passé, c'est pas un verbe. Au premier. Premier groupe, ok. Et de quel verbe? Non, mais attends, c'est pas le Becherel. Chercher. Je cherche. Bah, je cherche au présent. Bah, voilà, voilà. Bah, t'as trouvé, Benzaï, bravo. Et. Mais quel rapport avec ta fille? Un rapport, je sais pas, je peux balancer où il est. Mais qui? Mais si tu sais où elle est, mais tu sais, bah oui. J'ai téléphoné, il m'a accroché au nez, c'est pas ce qui s'est passé. Ah bah moi je sais, elle a pris son téléphone et puis elle l'a descendu quoi, elle l'a remis à sa place. Exactement. Bah voilà. Et ils sont 7 sur Facebook. 7 filles qui s'appellent Ben Zaid. C'est normal. Bah oui, mais bon, c'est peut-être qu'il y a plein de gens qui ont le même nom, s'appellent les homonymes. Je les ai fait toutes. Ah. Je peux pas mentionner. Mais après, si elle te parle plus, il y a peut-être une raison. Non, mais attends, dis-moi. Je voudrais savoir la raison. Oui, mais non, mais ça on peut pas le savoir. Mais ça se trouve. Parce que tu dis, t'as trouvé 7 personnes qui ont le même nom et prénom que ta fille. Ça se trouve, oui. Elle est pas dedans. Bah oui, c'est possible. C'est pour ça que je vous ai appelé. Ouais, mais comment tu veux qu'on te donne une réponse, Ben Zaid? Je sais pas trop. Bah justement, ça va changer un peu. Ah bah non, je sais pas. Je vous dis où elle travaille normalement. Non, surtout pas. Bah non, en fait, où elle travaille puisque c'est des... Mais tu sais pas où elle travaille puisque tu sais même pas qui. Enfin, t'as trouvé 7 personnes qui ont les mêmes noms et prénoms, mais on sait pas si c'est. Si l'une d'entre elles est la bonne, tu sais pas. Son métier est styliste. Mais bah, styliste, bon, elle est... y en a un milliard. Bon, elle est styliste à Paris, elle s'appelle Ben Zaid. Bon, bah écoute, à part passer le message et espérer qu'elle nous écoute ou que quelqu'un. Ouais, mais pardon, mais on a quand même une chance sur deux pour qu'elle s'appelle même plus comme ça si elle s'est mariée, tu vois. Oui, mais enfin bon, après, non, oui. Mariée. C'est ça le truc. Je crois. Ah, oui, mais tu crois, mais bon, si elle s'est mariée, elle a pas le même nom. Hein. Ah, je sais pas. Bah ouais. Oui, mais nous non plus. On va savoir. C'est pour ça que je voulais que vous m'illuminez. Quand t'illumines, bah ouais. T'illuminer T'illuminer, on peut. Mais au pire, essaye de regarder dans les pages blanches ou les trucs comme ça, si tu la trouves. Ouais, ça tu peux faire aussi. Mais là, nous, on peut pas faire grand chose, Ben Zaid, malheureusement. Mais l'annonce est passée. Écoute, si jamais on a quelque chose, on t'appelle, d'accord? Merci, je vous écoute. Bah écoute, on fait ce qu'on peut. Bah merci. C'est gentil, merci. Ben Zaid. Bon bah passe une bonne nuit quand même, à bientôt hein. Salut à toi, bah, mais respect également. Au revoir, nous avons quelqu'un de poli. Oui c'est vrai, ça change. Ça fait plaisir. Faut en profiter. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y'aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnole, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos sûr, je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Hi, I'm Ariana Grande on Energy. Hit music only. Hit music only. Energy. We turning it up, yeah. We turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran up a boy. I like it, I like it, I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing, we vibing, we vibing. The colors in you, I see them too. And boy, I like them, I like them, I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing, we vibing, we vibing. Le Rico Show sur NRJ, ce sera ce soir à 20h. Et là, bah, comme c'est le meilleur passage, fallait que je le passe maintenant sur NRJ. Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur NRJ. Ouf cette histoire les amis, une opération du cœur sans la moindre dose de morphine mais sous hypnose et sans anesthésie a été réalisée hier au CHU de Lille. Tiens, ça tombe bien, on a James de Lille. Oh. Pur hasard, pur hasard. Alors était-il le chirurgien? Il a fait le 0800 70 42 48. Ça va mon James? Eh ben ça va super, et toi? C'est Papy qui s'est fait opérer mon James? Alors non, moi je me suis pas fait opérer, ça j'en suis sûr. Hein. Ouais, ni ton grand-père. Pour moi sous hypnose. D'accord. Non, je crois pas que c'était non plus mon grand-père. D'accord, bah écoute, tant mieux, puisqu'un homme de 88 ans n'a ressenti aucune douleur. Aujourd'hui, il marchait et a pu rentrer chez lui en pleine forme. Selon les estimations, 80% des patients peuvent être sensibles à l'hypnose et se faire opérer. C'est un truc de ouf, fini l'anesthésie. James, toi t'es un peu douillé ou pas? Carrément. Ah ouais, t'es un gars douillé, donc l'hypnose, ça pourrait t'intéresser pour avoir une opération, un truc comme ça? Bah ouais, mais moi ça m'est déjà arrivé, mais je m'en suis déjà servi même. Je m'en suis servi pour arrêter de fumer en fait. Ouais. Ah ouais, d'accord, truc complètement ouf. Et ça marche de ouf. C'est vrai ? Il faut de la volonté quand même, ou c'est non, juste tu vas voir le gars matin, et après ? J'avais oublié que j'étais fumeur. Je te jure, c'est magique. C'est impressionnant, vraiment. Ça marche de ouf. Moi j'avais essayé, il y avait mon cabinet de dentiste qui faisait l'hypnose en fait pour enlever les caries, etc. sans anesthésie. Et moi j'avais essayé, ça avait fonctionné, s'il te plaît. Ouais, ça avait fonctionné. Ça t'avais fonctionné, les dents nickel. J'ai rien senti, j'ai pas senti la douleur. Et est-ce qu'au niveau du sexe, James, tu penses que entre Mehdi et Sarah, ça peut permettre de remonter. Peut retrouver sa libido. C'est j'avais pas vrai. Questionné, je te jure, une amie à moi qui utilise l'hypnose pour arrêter de fumer, tout ça. Et tu peux retrouver ta libido, tu peux mieux dormir. L'hypnose, c'est magique. Et pourquoi tu l'as pas fait En tout cas, je vais dire, JM, on est sur une première étape. Elle a été dans le questionnement. Voilà. Et ça soulève l'idée qu'elle est en recherche de libido. Ouais. Moi, ce que je te propose, James, avec toute l'équipe, c'est qu'on appelle justement une personne qui hypnotise. Ah oui. Voilà, un hypnotiseur. Ah. Et on va lui demander justement, Papy et Mamie Rico sont de retour. Oui. Et il souhaite une opération puisque Papy Rico souffre d'un furoncle. Et il aurait besoin justement d'être hypnotisé pour éviter l'anesthésie et pouvoir être nickel. Oui. Allez, on appelle, on va voir si c'est possible. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Papy Rico, je suis accompagné de ma compagne. Bonjour madame. Et bonjour. J'ai une opération à me faire et j'ai lu dans la presse que nous pouvions nous faire opérer via l'hypnose. D'accord, oui, oui, tout à fait. Hein, et que ça puisse marcher comme l'anesthésie. Alors après, ça dépend de votre sensibilité à l'hypnose, c'est suivant chaque personne. Oh, moi je suis très sensible, hein. Et pour ne pas, étant donné ses problèmes de santé, nous ne voulons pas faire d'anesthésie. Après, c'est une opération un peu délicate au niveau hémorroïdaire, hein, au niveau de l'anus. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que votre médecin en dit ? Il est d'accord. On va se rencontrer avant. Comme ça, je peux voir si vous êtes très sensible à l'hypnose. Et à ce moment-là, on peut envisager quelque chose. Et j'ai juste besoin de savoir un petit peu comment votre médecin opère. Mais comment pourra-t-on être sûr, madame, une fois les tests faits, qu'au niveau de la nuit, il soit bien insensibilisé ? Je ne peux plus m'asseoir depuis des mois, quasiment. Hein. Je suis debout ou allongé. J'ai ce qu'on appelle un furoncle. D'accord, ok. Hein, qui est bien graissé, avec beaucoup de pus. Et lorsque je m'assois, il a tendance à m'insérer. Et puis ça découline souvent. Je suis obligé de porter des alaises, voyez-vous ? Très bien. Bah écoutez, vous allez venir me voir au cabinet, puis vous verrez si vous êtes sensible à l'hypnose. Non, comment ça se passe ? Vous hypnotisez au niveau de la zone qui meurtrie ou vous rentrez ? Exactement ça. Comme vous le savez, j'imagine que toute la radio peut le savoir, que toute la télévision peut le savoir et que voilà. Marine, vous êtes en direct sur NRJ dans le Rico Show. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli NRJ et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h sur NRJ. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? Just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you, I feel something real.

Bah oui, hein, ça fait... Oui, le temps passe. Ça fait combien de temps? Ça va et toi? Oui, c'était pas ma question. Ça fait combien de temps? Oh, je sais pas. Ça fait... Hein? Ça fait très longtemps, hein. Ça va. Moi, ça va. Ça va, ça va. Et Gisèle toi aussi. Comment? Gisèle aussi. Oh non, Gisèle, non. Ah non, Gisèle, non, non, non, non. T'es pas au courant? Hein? T'es pas au courant? Non. Elle est partie? Hein? Elle est partie. Elle est partie? Avec le voisin. Hein? Elle est partie avec le voisin. Qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, Gisèle est partie avec le voisin. Elle est partie avec le voisin? Oui. Ah bah dis donc. Oh, oui. Eh ben... Ah oui, ça m'a... Quand je l'ai appris, ça m'a... En effet. Oh là là, je m'y attendais pas. J'aurais jamais cru ça d'elle. Bah non. Toi non plus, hein. Ah bah je peux te dire que j'ai pas vu venir. Elle est partie comme ça. Eh ben... Hein? Elle le regrettera peut-être. Ah oui, bah j'espère bien qu'elle va le regretter. Ah, je l'ai vue, elle est revenue un jour, elle avait changé. Et puis elle est repartie. Ça te fait rire? Bah écoute, quand même. Ça te fait rire? À cet âge. Bah ça te fait rire quoi? Elle part avec le voisin. Tu connaissais pas le voisin? Raymond, hein? 78 ans le voisin. Eh bah. Elle est partie avec. Eh bah. Ah oui, j'espère qu'elle va ramener une grosse MST, tu sais. Écoute. Ça va la gratouiller pour les semaines qui viennent. Ouais. Oh, moi, ça m'a retourné tout le truc. Tu vas bientôt à Bellerive? T'as pas compris, ça. Hein? À Bellerive, oui, j'y vais bientôt. Ah ben. Tu t'en fous ce que je te raconte, hein? Moi, je peux pas y aller. Je peux plus partir maintenant. Voilà, bah, ma femme, elle est partie. Eh? Elle est partie. Voilà. Avec le voisin. C'est cinq fois que je le dis. Avec le voisin. Définitivement, tu t'en moques. Oui, voilà, je suis tout seul. Ah ben, oui. Voilà, voilà. Tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. T'as des nouvelles de ton fiston? Oui, il est parti aussi. Ah ben, il est en... Avec la voisine. Il faut trouver une voisine, toi aussi. Oui, il est parti avec la voisine d'à côté. Ah ben. Voilà. Oui, oh là là, oh, c'est pas drôle tout ça, je suis tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Ben non, ah, c'est sûr, hein. Oh là là là là, oh, heureusement, il me reste les animaux. Ah ben non, ils sont partis aussi. Je comprends pas bien ce que tu dis. Moi, je te fais un bisou. Bisous. À bientôt, tu t'en fous, bientôt, tu t'en fous de ce qui m'arrive, hein. Ah oui. Voilà, merci. C'était 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés ne... Me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey. Les gens confondent jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Si je vous gêne,

dans une heure, l'homme qui vous réveille chaque matin est sur Energy, c'est Manu dans le 6-9. Et j'allais dire regardez, mais pas du tout, vous pouvez pas voir puisque c'est de la radio. Mais Manu, vous pouvez l'écouter sur Energy. C'est le meilleur extrait celui-là. Tous les matins sur Energy, 6h, 9h30. C'est Manu dans le 6-9. Benoît, bonjour. Salut les ouin-ouin. Benoît, t'as un problème avec les fringues, c'est ça ? C'est ça, effectivement j'ai un gros problème avec les fringues. En fait je n'y piche que dalle au niveau des tailles, des slims, des machins, des autres. Moi, quand on me demande ma taille, je suis incapable de la donner quoi. Enfin, alors attends. Je sens que tu es paniqué, il faut que tu te regroupes. Tu as un problème de taille de jean ? C'est ça. C'est-à-dire que quand on te dit quelle est votre taille de jean, tu sais pas quelle est ta taille de jean. Ah non, je suis incapable de la donner quoi. Avec la taille américaine et autres. Ouais, c'est mais, ça, ouais. Alors pour le coup, mais t'as complètement raison. Et je ne comprends pas ce truc. Pourquoi c'est pas la même taille? Tu dis je fais du 32, mais tu sais quoi, il y a pas longtemps, je suis allé acheter un jean. Je lui dis je crois que je fais 32 ou 34. Il fait oh non, vous faites du 36. ça ne veut rien dire, je ne comprends rien. Moi j'ai une solution, j'ai une note dans mon iPhone où je note selon la marque ma taille. Levi's, je fais du 42, Uniqlo, je fais du 44, H&M, je fais tant. Mais t'as un gros cul, toi. Ça va. Non, j'ai des bonnes fesses. 42. Oui, j'ai des bonnes fesses, je sais. 42, c'est beaucoup. Ouais, moi, c'est 34. Ça va. Mais non, 34, c'est en taille américaine et 42, c'est en taille française. Voilà, c'est ça. Ah bah voilà, c'est pour ça. Ah bah oui, mais moi, je sais pas à quoi ça correspond. Et pourquoi il y en a, ils te disent. Pourquoi il y en a qui le font en taille américaine et d'autres en taille française? C'est le bordel. Et maintenant, en plus, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a les tailles hautes, les tailles basses, les slim, les tailles évasées aux jambes. Ah non, c'est une galère. Pourquoi on ne dirait pas et on met tous des shorts de tennis? Ça règle le problème. Mais non, mais Benoît, tu vas dans la cabine, tu prends 2-3 jeans et puis tu essayes et puis tu verras bien. Moi, je fais ça, je prends 12 000 trucs dans ma cabine et puis j'essaye. Ça, c'est la grande différence entre les hommes et les femmes. De quoi? Nous, prendre 12 000 trucs dans une cabine, ça nous angoisse. Franchement, moi, j'ai l'impression de perdre du temps. Je rêve de dire il me faut un jean 32, ok, vous m'en mettez 5 et c'est réglé. Je déteste. Voilà. Ouais. Moi j'évite les cabines. C'est-à-dire que j'en achète plusieurs et après je rapporte ce qui me va pas. Non, j'aime pas les cabines. Mais non, mais moi non plus, ça me saoule. J'ai l'impression de perdre mon temps. Et ce qui est chiant, c'est quand ils insistent, les vendeurs. Mais essayez-le. Mais arrête. Oui, mais Manu, ton jean est trop grand, par exemple, aujourd'hui, tu vois. Tu aurais dû rester plus longtemps dans la cabine. Non, c'est vrai, il te fait pas un petit cul bien moulé, quoi. Il est un peu. Non, mais si je peux me permettre. C'est un petit conseil. Mais quoi, un peu grand, un petit peu grand, c'est dommage. Mais pourquoi trop grand? Tu veux dire que ça tombe au niveau des fesses? Mais non, mais parce qu'en fait, après, tu sais, parce qu'avec la forme de ton corps, ça se déforme. Tu veux que j'en parle de ton jean? Il est parfait. Dis-moi, ça fait longtemps que t'es pas allé au sport. Elle a dit que j'avais un cul qui tombe. C'est pas sympa. C'est elle qui a commencé. C'était un petit conseil. Retire Manu. Ok, je retire. En même temps, il a merci, merci Benoît de nous avoir appelé. Les gamins. En fait, Benoît est un pote et c'est juste pour qu'on arrive à cette conclusion qu'il faut qu'Isabelle aille faire du sport. C'est dégueulasse. Benoît, tu sais quoi, on est d'accord avec toi. Et c'est la même chose. C'est quoi? C'est la même chose sur les chaussures. Non mais excusez-moi, mais pourquoi dans une marque tu fais du 45 et dans l'autre tu fais du 46? C'est vrai. Ouais. Merde. Mais alors moi j'ai une petite note dans mon iPhone. Tu sais quoi, toi aussi tu devrais faire du sport avec ton gros cul. Benoît, merci de nous avoir appelé et vive la paix dans le monde. Voilà. Merci. On te souhaite une belle journée. Des 6h. Des 6h. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. bitches. Bitches. C'est tout frais. Dans la playlist Énergie. Hey, it's Camila Cabello. I love NRJ. Energy. Hit music only, only, only, only, me, me, me, me, me, me. Beyond her. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. Bienvenue sur Énergie, c'est l'horoscope de ce jeudi 27 septembre. Ça passe tellement vite. Énergie. L'horoscope. Et je commence par les béliers. Pour que les résultats de vos efforts viennent plus rapidement, faites preuve de diplomatie, ne marchez pas sur les pieds des autres. Taureau, vous saurez veiller leur sympathie agissante en donnant le meilleur de vous-même dans ce que vous faites. Gémeaux, les professions qui exigent de la minutie, de la patience seront particulièrement favorisées. Les cancers, vous pourrez tirer pleinement parti de vos qualités professionnelles spécifiques. Rigueur, sérieux, sens prévisionnel et puissance de concentration. Lion, agir sans précipitation mais avec détermination, tel devra être votre objectif majeur dans votre métier et c'est de cette manière que vous réussirez à éviter les pièges et les écueils jalonnant votre chemin. Vierge, vous vous emploierez avec acharnement à réaliser vos ambitions professionnelles. Balance, montrez-vous ferme et décidé, vous n'en obtiendrez que plus de respect. Scorpion, il se passera sans aucun doute des événements nettement positifs dans votre vie professionnelle. Vous obtiendrez tous les appuis, toutes les protections nécessaires. Verseau, accomplissez posément les tâches journalières si vous ne voulez pas, au premier obstacle sérieux, faire une dépression et tout croire perdu. Et les poissons, votre comportement laissera désirer. En effet, vous ne saurez pas très bien ce que vous voulez et cela risque de réduire vos chances. Allez, on continue avec plein de hits, c'est les plus ouf du moment, clairement. Il y a Manu dans le 6-9 qui arrive à 6h pile sur Énergie. Et en attendant, j'ai encore deux extraits de Manu dans le 6-9 qui sont au-dessus. Voilà, au-dessus, c'est le soleil. Bon réveil avec Énergie, on se retrouve dans deux minutes. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Qui joue au Scrabble ici? Ouais. Aujourd'hui, tu joues? Avec ma grand-mère, j'ai beaucoup joué, ouais, j'aimais bien. Et il y avait le dico du Scrabble, où si t'étais pas sûr, tu pouvais chercher les mots. Eh ben justement, un nouveau mot vient de rentrer au Scrabble. Ah. Pour l'instant, ce n'est qu'aux États-Unis. C'est le mot twerk. Oh, ça vaut cher ça. Bah, W et K, tu peux mettre twerk. Ouais, mais si c'est ta grand-mère qui le met, tu te poses quand même des questions. Non, tu poses des questions si c'est ta grand-mère qui le fait. Ah oui, oui. Manu dans le 6-9. Manu, allez. 6h, 9h30 sur Énergie. Ce vendredi, jackpot Euro Million de près de 151 millions d'euros. Montant à partager au rang 1 et plafonné à 190 millions d'euros, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Gagner avec énergie. 1 200 € de permis de conduire. Offert par SGS. Objectif code. Le Rico Show. Salut, c'est Emeric. Tous les soirs entre 20h et 23h sur énergie, je vous offre pour 1 200 € de permis de conduire grâce à SGS. Objectif code. Énergie, hit music only. Gagnez toute la journée. Votre compil Énergie 300% hit 2018 volume 2. Tous les artistes sont réunis sur 3 CD. Avec en exclu Zayn, 3 cafés gourmands, Dinoro et Gigi D'Agostino, Clean Bandit, Kygo et Imagine Dragons, Aya Nakamura, Kungs, Dennis Lloyd. La compil Énergie 300% hit 2018 volume 2, vendredi dans les bacs. Music only. Dirigeant.fr. Dans ce monde de microbes, les larbins comme toi prolifèrent. Moi j'étais l'un d'eux, même de midi à deux. J'avais sur le dos un gars du MEDEF. Entre nous, la diff, 15 ans pour ce motif. Moi je fais son taf et ce bâtard me lâche aucun bénef. J'ai pas fait maths sup, non mais pour être honnête, j'peux pas tenir le cap, 6 mois à 500 balles net. En 3 semaines j'étais devenu un expat dans mes exploits, exploité par des despotes. Les jours passent, je me dis stop. À tous les lèches-culs, j'avalerai plus leurs disquettes. Je vais partir sur un coup de tête, leur grande gueule sous mes baskets. Waterproof comme ta Rolex, comme ton impère et ton Amex. Je reste cool, je vais m'en remettre. Je suis waterproof, tu peux te faire mettre. Jean-Jacques, pull, fric, même après une bonne douche. Passe des savons aux pauvres types qui sont dans la dèche. Ils te répètent qu'ici tu ne peux pas penser. Soit tu sais, soit tu vas te faire défoncer. Un matin, ce gros con me demande si je suis teubé. Il sait qu'il abuse, mais pas sûr qu'il est tombé. J'pète un câble, ouais, j'pète.

t'es barré, mais t'en veux encore. Toi, tu crois viser dans le mix. Faudra trouver un alibi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Mon gars t'a coulé, aïe t'a cramé. Tu veux la plus bonne moyen, la plus bonne. Tu veux la plus fraîche moyen. Et 8h05, tout à l'heure, Manu dans le 6-9 sur énergie doublera votre salaire. Plein de sous à l'approche du week-end. Et franchement, ça ne se refuse pas. Inscrivez-vous sur énergie.fr pendant ce passage que j'adore. 6h, 9h30. C'est Manu dans le 6-9. J'ai une belle histoire de vengeance d'ex. Waouh. Vas-y. Vas-y. En Suisse, un homme a été condamné pour s'être vengé d'avoir été largué par sa copine. Mm-hmm. Alors écoutez la vengeance. Ouais. Il a caché une chaussure de chacune des paires de son ex qu'il a ensuite jetée dans une benne à ordures. Mais non. Oh non. Alors elle a porté plainte, il doit maintenant lui racheter l'équivalent de tout ce qu'il a jeté. Ah ouais. C'est drôle. Mais j'avoue que l'histoire, elle me fait marrer. Mais en plus, elle va les avoir toutes neuves. Elle va avoir des nouvelles paires toutes neuves, c'est trop bien. Ah, c'est marrant, alors, c'est marrant la vision qu'on a du truc. Ouais. Moi, c'est la vision de l'idée du mec qui me fait marrer. Ouais. Toi, c'est la nana qui va avoir des fringues neuves. On est vraiment pas pareil. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des vengeances d'ex. Quelle est votre histoire de vengeance d'ex? Votre histoire à vous, peut-être que vous vous êtes vengé, ou alors que vous vous êtes pris une vengeance dessus, ou vous connaissez quelqu'un qui s'est vengé ou qui a vécu un truc assez compliqué. Ouais. 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. Glandu, t'en as une? Ouais, j'en ai une belle, moi. J'en suis pas très fier, mais c'est une fille qui m'avait largué assez méchamment. C'est pas très sympa. C'est quoi très méchamment? Oh, elle m'avait dit des trucs pas très gentils. Elle m'avait dit que j'étais pas assez bien pour elle. Elle m'avait dit que je faisais mal la cuisine. Alors non. Du coup, je me suis vengé. Elle m'avait largué parce que je faisais du roller aussi. C'est un de ses arguments. Ouais, non, bref, je l'aimais pas. Si t'en faisais tous les jours, tout le temps, même quand tu faisais l'amour, par exemple. Non, mais elle avait honte de moi et tout. Bref. Ah, d'accord. Ça nous fait un bois comme. Les trois mois suivants, je me suis vengé puisque j'allais régulièrement sonner chez elle à l'interphone de son appartement. J'y allais le soir ou même la nuit, en fait. Et ça m'est même arrivé, en rentrant de soirée, j'ai fait un petit détour par son appartement pour aller sonner. Et je sonnais, j'attendais qu'elle dise oui. C'est que, en fait, même dans ta vengeance, tu restais un môme. Ah ouais, c'est ça. Exactement. La meuf, elle te plaque parce que t'es trop môme et après, tu te venges avec un truc de môme. Et voilà. Comme quand nous, on avait 8 ans et qu'on sonnait aux interphones et qu'on courait parce qu'on avait l'impression d'avoir fait le casse du siècle. C'est ça. Maëva, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur Énergie. Quelle est ton histoire de vengeance d'ex? Oh, alors moi j'ai mis la voiture de mon ex en vente sur le Bon Coin à un prix dérisoire. Avec son numéro de téléphone, il a été bombardé d'appels toute la journée. Oh merde. C'est pas très gentil. Il avait pas été très gentil avec toi? Il avait pas été très très gentil, non. D'accord, bah toi non plus du coup. Merci de nous avoir appelé Maëva. Quelle est votre histoire de vengeance? Moi j'ai un ex qui m'a trompée. Donc c'est moi qui me suis vengée. En fait j'ai pris, quand je l'ai appris, je suis rentrée chez nous, j'ai pris son Mac, son ordi, et je l'ai cassé en deux. Oh, voilà, ça... j'étais très très énervée. Quoi? Ça coûte cher, hein? Eh oui, je sais, ça coûte cher mon cœur aussi. Et du coup quand il est rentré... Oui, mais il était réparé ton cœur depuis? Ah non non non, je l'apprenais. Non mais là depuis maintenant. Ah oui, ça va. Alors que son Mac, non? Non mais je lui ai dit de relativiser, je lui ai dit ça te fait deux iPads. Mais il a pas rigolé. Ouais, ouais. Tu t'y connais vraiment pas en 2.0. Quand tu casses un Mac en deux, ça fait pas deux iPads. Hein. Non. Cédric, bonjour. Salut Manu. Bienvenue sur LR. Quelle est ton histoire de vengeance? Et ben moi, après m'être fait lourder de manière un peu sale, on va dire, par une fille, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à la poste et puis j'ai rempli un formulaire de réexpédition de courrier à son nom. Et du coup, pendant deux mois, parce qu'il lui a fallu tout ce temps pour s'en rendre compte, son courrier arrivait dans une boulangerie à 4 ou 5 rues de chez elle. Quoi. Oh la vache! Mais il n'y a pas besoin que tu montres une carte d'identité? Tu pouvais faire ça comme ça? Bah tu sais, quand tu commences à sangloter comme un gamin à raconter un peu ton histoire, ça passe tout seul. Hein, j'aurais pu avoir un Oscar ce jour-là. Tu sais quoi Cédric, c'est tellement tordu et tellement vicieux, on croit que c'est une vengeance d'une meuf. Oh, t'exagères. Non mais moi je stresse pour ton ex par rapport à toutes les factures qui se sont accumulées et tout ça. Ah ouais. Quoi. Bah c'est bien, elle allait... C'est ça en fait, c'est ça qui l'a fait tilter, c'est qu'elle a reçu des coups de fil du contentieux de je sais pas quoi. Quand les huissiers sont venus avec la police, effectivement. Mais elle avait été méchante avec toi, Cédric? Ouais, très. Ouais, elle est partie avec un pote à moi, ça faisait des mois que. Ah, oulalalalala. Voilà, donc je pense que la vengeance était à la hauteur du crime. Mais ça reste quand même pas bien, il faut pas faire tout ce qu'on dit là. Non, il faut pas le faire, c'est bien. On écoute, mais il faut pas. Non, j'encourage personne. Merci de nous avoir appelé Cédric, belle journée à toi. Il y a sur Twitter Juliette qui dit: j'ai troué tous ses caleçons avec des ciseaux avant de lui rendre. Ouais. Alors honnêtement, franchement, moi ça me gêne pas. Mettre un caleçon troué. Sarah qui dit: j'ai couché avec son meilleur pote. Ouais, honnêtement, ça me gêne pas non plus. Pas grand chose nous gêne. Hein. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie.

réveil sur Énergie, il est 5h55, nous sommes jeudi, c'est le 27 septembre. Ça sent le week-end. Mais oui. Oh, ouais. Voilà. Et ça sent, attendez. Ça sent le hot dog. Ah ouais. C'est vrai. Ah ouais. C'est ça. On est d'accord, ça sent le hot dog. C'est ça le petit fumet de saucisse. Nico, tu trouves que ça sent le hot dog? Ah, très très fort finalement. Ouais. Oui. Glandu, tu trouves que ça sent le hot dog? Je sens là maintenant. Oui. Isabelle aussi? J'ai l'impression. Ça sent le hot dog. Ah ouais. Alors vous vous dites, mais pourquoi il dit que ça sent le hot dog? Restez avec nous dans 5 minutes. Nous allons vous expliquer et nous mettrons bien évidemment une magnifique photo de quelqu'un déguisé en hot dog. Ouais. On la mettra sur notre page Facebook et Manu dans le 69.com parce qu'une personne va avoir honte pendant 3h30 d'émission. Cette personne, c'est la seule qui n'a pas encore parlé, qui le sait pourtant. Elle s'appelle Paulette. Pourquoi? Eh bien, restez avec nous, vous serez dans 5 minutes. Ouais. Avant de démarrer l'émission spéciale hot dog, c'est le club du 555. Comme chaque jour à 5h55, on se fait un petit plaisir, on s'écoute un titre. Aujourd'hui, alors deux choses. D'abord, c'est son anniversaire. Bougez pas, j'ai noté quelque part quel âge elle avait. Ouais. Elle a déjà 34 ans. Je l'ai connue, elle était toute petite. Oh là. Mais je l'ai connue. Elle était toute petite. Je vais lui prendre les joues comme ça, comment elle a grandi. Mais c'est qui, Papy Manu? C'est qui? C'est Avril Lavigne. Lavigne. Alors, elle était petite comme ça, elle a 34 ans. 34 ans, elle a maintenant. On l'a pas vu grandir. Hein. Ah, c'est incroyable. Hier encore, on lui changeait les couches. Avril Lavigne a 34 ans aujourd'hui et elle est de retour. Oh! Ah. Oui! Oh, voilà. Écoutez, les dernières nouvelles qu'on avait d'elle, c'était à l'époque de MySpace. Bah oui! Avril Lavigne est de retour. Son nouveau titre est sorti il y a quelques jours. C'est son anniversaire aujourd'hui. On va l'écouter. Ah bah oui! Alors, si vous attendez à du Avril Lavigne d'il y a longtemps, un peu rock qui rentre dedans, c'est pas le cas. Ah, ok. Ah, voilà. Elle est devenue tendre. Oh. Elle est devenue mature. Elle est devenue mûre. Elle s'est lavée. Voici Avril Lavigne. Oh non, Manu! J'étais fan d'Avril Lavigne. Elle est de retour avec Head Above Water. La tête au-dessus de l'eau. Non, sous l'eau. Oh merde, oh désolé. La tête sous l'eau, on dirait nous qui jouons à la piscine. Décidément, tu sais la mettre en valeur. Oui. Voici le nouveau Avril Lavigne sur Énergie. Bon réveil, c'est Manu dans le 6-9, on démarre dans 3 minutes. Excusez-moi, pardon. C'est la tête sur l'eau, above. Au-dessus, ouais. C'est pas sous l'eau. Ouais, ouais, ouais. Voici le nouveau Avril Lavigne. Oui, je coupe les disques au milieu quand j'ai un truc à dire. God keep my